France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Cette vie humble aux travaux ennuyeux et faciles, ils sont pas si faciles que ça, ces travaux. Les professions invisibles aujourd'hui, les aides à domicile. Les métiers du lien, c'est-à-dire assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, accompagnant d'enfants en situation de handicap, animateur périscolaire, au fond, les métiers de personnes à 85% des femmes qui s'occupent de ce qu'on a de plus précieux, nos bébés, nos personnes âgées, on va dire, du berceau à la tombe. Des métiers qui, dans notre société, sont maltraités, qui sont aujourd'hui sans statut et sans revenu. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers féminins, et donc on se dit, au fond, elles l'ont fait gratuitement pendant des siècles, elles vont pas nous embêter plus, on les paye un peu, c'est déjà pas mal. C'est l'inconscient qui traîne dans la société. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des métiers de lien, et que le lien est méprisé dans la société. Et je pense que valoriser ces métiers-là, ça contribuerait à être un marqueur, d'abord d'un enjeu social, parce que c'est 1 million de personnes qu'on sort de la pauvreté, et ensuite, de la société vers laquelle on va aller, c'est-à-dire plus vers les biens, mais vers les liens. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. C'était le député François Ruffin, une proposition qu'il faisait il y a quelques jours sur l'antenne de France Culture. Eliane Rottier-Botzer, bonjour. Bonjour. Comment vous définir, sociologue de la santé, et vous insistez sur le rôle constitutif pour un certain nombre de métiers de la formation. Tout à fait. Et je m'intéresse particulièrement aux liens, justement, et à ce qui relie les différents métiers du sanitaire, du social et de l'éducatif entre eux et de l'organisation de ces métiers. On parlera de la formation des infirmières. Elle n'est pas sans écho sur la formation et la spécialisation, peut-être à venir, des aides à domicile. En même temps, alors, on entend le chiffre de 1 million donné par François Ruffin. C'est très difficile de définir ces professions d'aide à domicile et puis comment les isoler. Comment les isoler? Elles ont quand même une mission particulière qui est de s'occuper, d'accompagner des personnes à leur domicile, personnes qui sont en situation, qui rencontrent des situations soit de handicap, soit des situations qui ressemblent fort aux situations de handicap, qui sont liées à leur âge ou à leur état, je dirais, pathologique. On va parler du pôle de référence que sont les infirmiers et les infirmières, mais il y a un autre pôle de référence, de représentation dans l'opinion pour ces métiers, c'est les domestiques d'autrefois, les bonnes d'autrefois, c'est le même ordre de grandeur, 1 million de bonnes il y a un siècle, un peu avant la Grande Guerre en France. Oui, c'est du même ordre de grandeur, mais je pense qu'il faut vraiment retenir ce terme de aide, dans aide à domicile, et qui distingue fortement ces métiers, des métiers de la domesticité et du ménage en général, puisque justement, leur mission n'est pas de d'aider au domicile des personnes qui ne sont pas en situation de ne pas pouvoir faire elles-mêmes des tâches que le commun des mortels, quand il n'est pas malade ou affecté, peut réaliser tout seul. Et puis, la bonne Eliane Rottier, elle était affectée à un domicile. Et à temps plus que complet, parce que ses horaires étaient extensibles. Les aides à domicile vont de domicile à domicile et souvent à temps partiel. Elles vont de domicile à domicile et certaines d'entre elles ne sont pas rémunérées pour les tarifs qui correspondent aux déplacements, ce qui fait qu'elles peuvent travailler sur un temps plein en nombre d'heures, mais qu'elles ont pour la plupart des salaires amputés. Qui paye l'essence ? Ce sont elles. Et ça leur fait, avec le temps partiel, peut-être 1100 euros par mois. À peine. La plupart, c'est plutôt autour de 700-800 euros par mois. Donc, tact, vous voyez, j'ai beaucoup à apprendre. Mais je voudrais juste souligner une très grande hétérogénéité du secteur, quand même. Mais moi, je voudrais insister sur le vocabulaire et l'importance du vocabulaire et les représentations que véhicule, entre guillemets, ce vocabulaire. On va se servir couramment de 2 documentaires venus de Franche-Comté. La Franche-Comté, où une élue socialiste de Naguère, Madame Guinchard-Kessler, avait joué un rôle important dans la définition des métiers d'aide à domicile. Et le premier de ces documentaires, il est signé Guillaume Tervert, c'était en 2012 et vous allez reconnaître une aide à domicile. Elle doit être en train de faire la vaisselle. On entend le robinet derrière sa voix et quelques remarques de bon sens. Souvent, les gens ils disent qu'on est la femme de ménage. Il y a ma femme de ménage qui arrive. Des fois, ça m'embête, mais en même temps, dans leur dépendance à eux, c'est plus facile de dire c'est ma femme de ménage que l'aide à domicile qui vient m'aider parce que je ne peux plus. Ouais, tu vois. Voilà. Donc, voilà, faut passer outre, quoi. Et en plus, toutes les personnes qu'on aide, donc qui ont plus de 80 ans, ils sont quand même pas d'une génération qui s'est fait aider. Ils sont toujours débrouillés, quoi. Peut-être que nous, on est dans une génération ouais, plus de consommation, donc on acceptera plus de se faire aider. Bon, femme de ménage, allez, on passe outre. On accepte le mot. On accepte le mot. Et là, je voudrais juste rappeler les travaux de Christelle Avril, qui a beaucoup travaillé sur l'aide à domicile et qui montre que chez certains de ces professionnels, c'est aussi un refuge, le ménage. Parce que s'occuper d'un certain nombre de personnes en difficulté demande aussi un accompagnement, une formation, on y reviendra. Et elles n'ont pas toujours. Donc elles peuvent se réfugier dans la technicité du ménage pour éviter des relations qui sont parfois complexes. Oui, enfin, la technicité. Alors, venons-en à la technicité. Il y a le pôle, la référence des domestiques. Vous dites, ça, c'est limite. Il y a un autre pôle, vous êtes une spécialiste de la question, c'est la référence aux infirmières. Alors, les infirmières, elles ont gagné en professionnalisme, en technicité. Bon, il y a une origine religieuse. Et même les membres des congrégations religieuses, comme les filles de la charité, ils ont accepté de passer les diplômes. Il y a une autre origine, on aurait bien aimé, peut-être, dans les secteurs médicaux, que les infirmières viennent de la bourgeoisie et appartiennent aux couches supérieures de la société. Mais là aussi, ce sont des filles des classes populaires qui ont gagné le droit d'accéder au métier par des concours ou par des examens. Alors, la technicité, ça caractérise les infirmières, ça va avoir des conséquences sur les aides-soignantes. Et les aides-soignantes, c'est un peu une référence pour les aides à domicile. Oui, tout à fait. Les aides-soignantes ont la protection, d'une certaine manière, de l'institution dans laquelle elles travaillent, même si leurs tâches sont souvent bien complexes dans les conditions actuelles. Néanmoins, elles ont hérité du cœur de métier, de ce que les infirmiers ont longtemps appelé leur cœur de métier, c'est-à-dire le nursing, et c'est-à-dire aussi les soins de confort, l'accompagnement du patient, et pas seulement des soins liés, je dirais, comme ça a pu être écrit, au prolongement du bras du médecin. Donc, elles ont délégué, tout en s'en privant et tout en le regrettant parfois, ce qui était aussi une partie, une grande partie de leur activité professionnelle, de leur goût pour le métier, de ce qui les attirait vers les professions soignantes. C'est beau l'expression, le prolongement du bras du médecin, parce que ça veut dire que ce sont les mains. Oui. Il y a un très beau reportage dans la Croix Hebdo il y a quelques semaines sur Max et Ludo, qui sont deux infirmiers libéraux de Saint-Perdon dans les Landes. Et l'un d'entre eux dit « si les mains que je tiens parfois pouvaient parler ». Oui, alors là, il faut faire très attention à ce qu'on va dire, parce que cette réduction de l'infirmière au bras du médecin, infirmière en France est toujours une auxiliaire médicale, je le rappelle, elles sont tout à fait en lutte contre cette dénomination qu'on n'a plus dans d'autres pays. Donc l'autonomie même du corps infirmier est encore complexe en France, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc le vocabulaire main, je pense qu'il faut le manier avec beaucoup de précautions, mais il faut, si je peux rajouter, tout aussi manié avec précaution, ce qui a pu être dit par certains soignants, c'est-à-dire, à une certaine époque, on le dit plus aujourd'hui comme ça, c'est « je suis la jambe de l'amputé ». Non, je crois que l'infirmière, en tant que corps autonome, n'est ni la jambe de l'amputé, ni le bras du médecin, mais que cette singularité est toujours très dure à poser, et celle de l'aide-soignant, pour y revenir, l'est d'emblée dans la relation qu'elle entretient avec l'infirmière. Oui, mais Eliane Rothier-Botzer, faut faire attention aux mots, j'ai bien compris. Mais alors, quand vous dites cœur de métier, est-ce que ça n'a pas pour conséquence de déléguer un certain nombre de tâches à d'autres un peu plus bas situées dans la hiérarchie, ce qu'on appelle le sale boulot? Oui, la division du travail à l'hôpital, avec toute l'histoire de l'hôpital tout au long du XXe siècle, a conduit effectivement, de par, je dirais, une certaine maîtrise technique des choses qui n'a fait que croître, ce qui a donné une légitimité aux soignants sauveurs dans un temps court, et l'infirmière s'est glissée là-dedans, et du coup, tout ce qui... Plutôt que simplement ce qui peut être délégué aux aides-soignants, c'est d'une façon beaucoup plus générale le soin qui dure, celui qui ne sauve pas, celui qui accompagne, celui qui ne guérit pas, c'est-à-dire aujourd'hui la plupart des soins qu'on doit délivrer, l'accompagnement des patients chroniques, qui est ainsi délégué. Et pas seulement ce à quoi on pense spontanément. Un film dont on va entendre un extrait, dont l'écho dure. Exceptionnellement, il s'agit d'un homme là qui joue un rôle. Est-ce que c'est un rôle d'aide à domicile ou davantage ? C'est Omar Sy. On se souvient que dans Intouchable, il a été engagé par un aristocrate paraplégique. Mais jusqu'où vont ses tâches ? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Hein. Là, il y a un petit problème. Là, faut qu'on voit si Marcel elle peut revenir pour les mettre elle. Et ça, les gants, c'est pourquoi là. Bon, ça, on va attendre encore un petit peu de temps. Parce que ça vous êtes pas tout à fait prêt. Non, il est pas tout à fait prêt. Mais comment ça, pas tout à fait prêt de quoi là, Marcel? C'est quoi, ça? On va vous expliquer, c'est ça. Mais Marcel, faut qu'on parle, parce que la formation, là, excuse-moi, mais il y a un problème, là. Il n'y a pas de prêt ou pas prêt, hein. Je fais pas ça, moi. Je vide pas le cul d'un mec que je connais pas. Même un mec que je connais, d'ailleurs, je vide pas son cul. Je vide le cul de personne, en général. C'est une question de principe. On peut en parler plus tard, après mon déjeuner, par exemple. Non, non. En fait, plus tard, c'est pas la peine d'en parler. On arrête là... C'est un débat chelou, j'aime pas ces débats. Arrêtez là avec cette histoire de vider le cul, là. Je crois que j'ai compris. C'est pas bien, ça. On arrête. Actuellement, dans un grand nombre de départements français, il n'est plus possible de trouver des infirmières libérales qui acceptent de faire des toilettes aux personnes âgées au domicile. Or, les aides ménagères, les aides à domicile, n'ont absolument pas le droit de le faire. Elles n'en ont, ça n'est pas dans leur statut, et c'est un acte qui est réputé être un acte de soin, un acte médical. Et là, actuellement, on assiste à une situation qui est redoutable. Soit les toilettes ne sont pas faites, et donc on peut s'interroger sur la qualité de notre prise en charge à domicile, soit elles sont faites par des personnes qui n'en ont pas la compétence et qui n'en ont pas le droit, c'est-à-dire c'est un travail dans l'ombre. Et ceci n'est pas acceptable dans une société comme la nôtre. Après Intouchable, on est revenu en Franche-Comté avec le témoignage du docteur Duportet. Donc vider le cul, pour parler clairement, c'est pas dans le cœur de métier. C'est pas dans le cœur de métier de personne, d'une aide-soignante, je dirais. Bah si, c'était pas le rôle des infirmières. Ça participe du travail qu'elle réalise. Et des infirmiers. Ça participe du travail qu'elles réalisent, ce n'est pas pour autant leur cœur de métier. Réduire leur cœur de métier, surtout avec les commentaires qui ont été faits là, à la toilette qui serait quelque chose qui, dans laquelle on ne parle pas de la dignité, du respect de la dignité de la personne, du type de geste qu'on va devoir réaliser. Tout ça est complètement ôté des propos là, et on voit le caractère cru et difficile aussi, de par son côté physique, de ces métiers, mais qui n'est pas réduit à cet aspect-là. Et juste pour ajouter, délégation de tâches veut dire aussi qu'il y a une organisation. Et on s'interroge parfois pour comprendre quelle peut être l'organisation du travail des différents acteurs qui interviennent au domicile. Je reviens au témoignage des deux infirmiers de Saint-Perdon dans l'hebdo La Croix. Alors voilà Max, 28 ans, qui lave avec un gant de toilette une dame de 94 ans. Alors, elles sont comment mes fesses, demande la dame de 94 ans. Vous êtes la plus vieille peau de ma tournée, répond Max, mais la plus belle, parce que on arrive dans le relationnel, pour employer ce mot, à un certain humour, à les voir ensemble, tous les deux, dans cette salle de bain. Madeleine et Max, on croirait une valse. L'infirmier s'est redressé, elle est agrippée à ses épaules, les poings serrés, il la rassure tellement, il l'habille lentement. En jupe, toujours, elle n'a jamais porté de pantalon de sa vie. Il la parfume, lui épingle son chignon, barrette après barrette, comme elle faisait autrefois seule devant son miroir. La senteur du déodorant est élégante. Dans ce métier, on croise beaucoup d'odeurs et elles ne sont pas toutes aussi douces. Oui. Le relationnel, vous introduisez dans beaucoup de vos écrits le mot « care », soin et sollicitude à la fois pour le définir. Oui, j'ai repris le travail de Joanne Tronto dans sa traduction du mot « care » en français, parce que souvent, quand on emploie le terme « soin » en français, la définition est soit raccrochée au métier du sanitaire, et on exclut tous les métiers de l'aide et de l'accompagnement. Je pense que c'est une erreur. Et l'idée de relier la dimension intentionnalité, sollicitude, d'abord, pourquoi je fais ce soin et comment je le fais, me paraît essentielle. Et l'approche de Tronto permet de réfléchir un petit peu en ces termes. Oui, mais alors si on vient sur l'expérience humaine, là vous employez des mots, mais dans le relationnel le plus important, c'est ce qui ne se dit pas. Oui, c'est ce qui ne se dit pas et c'est ce qui se fait. Et c'est, d'une certaine mesure, ces personnes qui sont le plus... Je reviens aux aides, là, hein, parce que les infirmiers ont un temps de passage, la plupart du temps, relativement limité. Ça ne veut pas dire que leur travail n'est pas important, mais les personnes qui passent le plus de temps sont plutôt les aides. Et pour revenir au titre de l'émission, ce qui les est invisibilisé, ce sont justement tous ces gestes. Mais les infirmières, dans les années 70, avaient beaucoup parlé et beaucoup demandé à ce qu'on reconnaisse ce caractère relationnel de leur travail. Et je pense qu'elles ont été peu et mal comprises. Et je pense qu'aujourd'hui, on ferait bien d'écouter ce discours qui peut venir des aides à domicile, des infirmiers, des aides-soignants, parce que c'est dans le soin dans la durée, et je le répète, dans la chronicité auquel sont confrontés aujourd'hui de plus en plus ces professionnels et les aidants et nous tous, que les choses vont se délier dans la relation même que ces différents acteurs vont entretenir entre eux. Parce que on vient, là parlons des personnes âgées, j'ai des personnes âgées qui vous disent « mourir c'est difficile, mourir ça va prendre beaucoup de temps » et qui n'ont pas d'espoir de guérir. Non. Il faut savoir répondre à cette angoisse. J'ai une réponse que j'ai entendue un jour et que je trouvais très belle, c'est de se dire que vieillir, c'est avoir eu la chance peut-être de ne pas mourir jeune. Donc, il n'y a pas que des bons côtés, mais il ne faut pas oublier ça, je pense. Et puis, voici maintenant le témoignage, toujours dans le documentaire franc-comtois, Les gardiennes de la mémoire de Jacqueline Gozlan, d'une dame pleine d'alacrité, on va voir qu'elle s'appelle Betty, qui est reçue par une dame qui se voit sur le déclin, mais qui cherche à se souvenir, en effet, des moments de grâce qu'elle a connus et de les reconstituer avec Betty. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va bien? On a bien dormi? Ça va. Ça va. Je vous ai apporté du courrier. Merci. Alors, on n'a pas froid aujourd'hui? Non, ça va. Un petit peu à côté de moi. Ben, c'est ce que je vais faire, hein. C'est des bonnes nouvelles. Alors, ça a été? Très bien. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Je me rappelle. Ah non, mais j'étais pas là, hein. Je peux pas vous rappeler. Qui c'est qui était avec vous? Ah ben, je sais pas. C'est peut-être les dames qui viennent dormir avec vous. Qui c'est qui a dormi? Ah, ça, je sais pas. Comment elle s'appelle? C'est toi-même. Mais oui. Non, c'est pas Betty. Moi. Oui, parce qu'elle est de ma couleur, elles sont tous Betty. Là, c'est moi qui ai préparé, mais c'est pas moi qui ai mangé avec vous mais hier. Mais qu'est-ce que c'était? Ben, je vous ai fait du poulet. Ah, du poulet? Oui. Ah ben oui. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé avec moi? Ah ben, je sais pas, moi, il y a une dame qui vient dormir avec vous. Je sais pas, je me rappelle pas laquelle. Je crois qu'elle s'appelle Dacoste. Hein? Puis j'écoute la craquante. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va préparer le repas, prépare mon Shabbat. Oh, le Shabbat. Ah, c'est sacré. Oui. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour vous? Un petit gratin, ça vous va? Eh bien, oui. Oui, vous aimez ça, hein? Oui, ça me fait plaisir. D'accord, on va faire un petit gratin. Il y a du fromage, il y a tout. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Mais on va faire ça. D'accord? D'accord. Moi, je vais boire mon petit café d'abord, parce que si je ne bois pas mon café, je ne fais rien du tout. Fais-le, ma chérie. Fais comme tu as l'habitude de faire. Bon, je suis chez moi d'abord. Tu payes avec moi le loyer. Voilà. Sinon, je m'en vais, hein? Ah, sacré bêtise. Je l'aime bien. C'est étonnant le passage du on a bien dormi, à vous, et puis Betty qui dit tu, Enfin, pardon, la vieille dame qui dit tu, abêtu, enfin, tout ça, ça fait un nous, d'ailleurs, parce qu'il y a un grand collectif, il y a les dames qui viennent la nuit, et qui s'occupent aussi de la veille de la vieille dame. Et là, on mesure toute la complexité du travail au domicile. Le domicile, c'est pas l'hôpital, c'est pas l'EHPAD, on est chez les personnes. Et là, on a la chance d'avoir un échange finalement très positif, une vraie rencontre qui semble s'être instaurée entre les personnes. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les aides à domicile sont des personnes qui sont elles-mêmes fragilisées, ne serait-ce que par le statut qu'elles ont et la vie qu'elles mènent. Et cette patience qu'a la personne qui est là n'est pas toujours possible. Donc on peut assister à des situations extrêmes dans un sens comme dans l'autre, mais on peut aussi assister à des heureuses situations de vulnérabilité croisée. C'est-à-dire que ce que l'une apporte à l'autre et la renforce et réciproquement. Et je pense que c'est encore la meilleure chose qui peut se passer dans ces rencontres, dans la durée, au domicile. Donc quand on a la chance de ne pas mourir jeune, je reprends votre vocabulaire, Eliane, il y a la possibilité d'apprendre ce que c'est que dépendre. Dépendre, c'est bien. Oui, mais on a tous été dépendants. Déjà, un certain temps, dans notre enfance. En principe, on ne l'est pas resté, en tout cas, pas par rapport aux mêmes acteurs. On peut de toute façon s'insérer tous dans des réseaux de dépendance. Il se trouve que là, au domicile, il y a des choses qu'on faisait hier, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc c'est de nouvelles formes de dépendance. Mais il ne faut pas faire dans l'irénisme. Vous disiez qu'il y a des risques de frottement. Demain, nous entendrons le témoignage de Madeleine Riffaut, héroïne de la Résistance, qui nous parlera de son expérience d'aide-soignante à l'hôpital dans les années 1970. Elle a été sauvée depuis par l'aide à domicile, mais enfin dans un premier temps, elle a trouvé qu'elle avait pas envie d'être maternée, que les gens qui venaient la garder étaient beaucoup trop gentils. Elle aimait bien l'affrontement avec ceux qui venaient chez elle, comme cette dame. Nous sommes de nouveau en Franche-Comté. Moi, je vous assure que personne ne vient jamais me dire du mal des aides ménagères. Moi, j'ai les deux aides ménagères, j'ai plus qu'à la porte. Et une autre, j'avais fait un pot-au-feu la veille, avec un jarret de veau. Je défais tout le jarret de veau, parce que j'aime pas le gras, j'aime pas la peau, j'aime pas les os, j'aime rien. Alors, j'avais mis tout le maigre dans une assiette, il y a une aide ménagère qui était ici, elle va dans la cuisine, et boum, je dis, c'est pas vrai. J'ai dit, vous, c'est terminé, hein, vous n'irez plus chez moi. Hein. Elle m'a bouffé la viande. Alors j'ai dit, vous n'avez pas à manger chez vous, je lui dis. Vous travaillez, votre mari travaille, moi je suis toute seule, et vous me bouffez mon manger. Mais à côté de ça, ceux qui sont braves, comme je viens, ben, moi je les reconnais, il y en a plusieurs, hein. Je dois avoir un carnet. Là, ben, tous les aides ménagères sont là, vous voyez. Ben, il y en a qui regrettent de ne plus venir chez moi. Il y en a qui sont très bien. Donc, ils sont moins bien, mais elles sont toutes gentilles. Alors, elle me dit, vous êtes la première qui me dit ça. Tous les autres sont pleins des aides ménagères. Oui, enfin, elle a quand même dit en même temps que il y a certaines aides ménagères qu'elle ne regrette pas de ne plus voir venir. Hein. C'est difficile, ça fait aussi partie des conditions de pénibilité du métier. Tout à fait. Et des deux côtés, encore une fois, c'est-à-dire que comme le métier parfois peut être très pénible, il faut aussi savoir que dans pas mal de cas, les personnes se rendent au domicile de personnes dont ils ne savent même pas quel est le problème. Donc quand la porte s'ouvre, ils découvrent quelqu'un. Et parfois, la rencontre se passe dans des conditions moins aisées que d'autres. C'est pour ça qu'on se réfugie dans la technicité dont vous parliez tout à l'heure. On préfère investir davantage les tâches physiques de ménage. Dans certains cas, oui, c'est ce qui est décrit par ma collègue Christelle Avril. Ouais, et donc, on fait bien passer la serpillière, et ça suffit peut-être. Je citais le nom de Paulette Guinchard-Kinsler, qui a été et qui est maintenant présidente de la Fondation nationale de gérontologie. Dernier témoignage, la grande Geneviève Larocque, qui en fut présidente elle aussi, et qui est l'auteur en 1962 du premier rapport sur les aides à domicile. Cette vie humble aux travaux ennuyeux et faciles, ils sont pas si faciles que ça, ces travaux. Et c'est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. L'amour ne suffit jamais. Jamais, jamais, jamais. Je peux être très, très, très gentille et pleine d'amour, Si je passe la serpillière en dépit du bon sens, la cuisine sera sale. Ceci dit, si je passe la serpillière comme une brute, et que j'ai pas un petit peu de gentillesse, ça sera très triste de vivre dans cette maison qui sera peut-être propre, mais qui sera sinistre. Donc, c'est pas si facile que ça. Ça veut effectivement, sinon de l'amour, du moins de la motivation et de l'attention. Et si je veux, et j'ai le droit de vouloir, j'ai le droit d'exiger que mon aide à domicile soit motivée, soit consciencieuse et soit compétente, ben, il faut qu'en échange, on parlait beaucoup de la dignité de la vieille personne, il faut aussi que je la respecte, elle. Il est écrit dans la Bible « Qui gardera les gardiens eux-mêmes ?» Et je crois que c'est une phrase tout à fait essentielle pour l'aide à domicile, parce que si je me confie à la garde de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit gardé. Et pour que ce quelqu'un soit gardé, il faut qu'il soit formé. Pour que quelqu'un soit gardé, alors qu'il garde, il faut qu'il soit formé. Alors, où est-ce qu'on en est de la formation? Vous dites que la formation est constitutive des métiers. En tout cas, d'une organisation professionnelle, en l'occurrence, qu'elle soit une formation de terrain par l'accompagnement des pairs, comme ça a longtemps été le cas et ça l'est encore autant que faire se peut pour les infirmières et les soignants en général. Mais au domicile, on l'a vu, il n'y a pas beaucoup de pairs. Donc on se retrouve très seul. Et en plus, il y a une grande hétérogénéité des diplômes. Aujourd'hui, on essaye de les rapprocher du secteur social. Donc il y a effectivement un diplôme commun qui a été créé pour ceux qui s'occupent des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Mais néanmoins, l'affaire est loin d'être réglée puisque les entreprises d'aide à domicile embauchent régulièrement des personnes qui ont très peu de formation et en tout cas très peu ont les diplômes requis. Mais alors c'est combien la proportion de ceux et de celles qui n'ont pas de diplôme? Je lis le tiers, vous dites beaucoup plus? Alors, il faut distinguer pas de diplôme spécifique pour ces professions et pas de diplôme du tout. D'accord. Parce qu'il se trouve que beaucoup ont quand même des diplômes. Mais des diplômes spécifiques, d'après ce que j'ai vu, un petit tiers. Depuis 2016, un diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social de niveau CAP et un diplôme d'État d'aide médico-psychologique. Oui, mais si le niveau de recrutement augmente alors qu'on n'arrive pas à améliorer les rémunérations, ça provoque un effet de ciseau et peut-être un jour une difficulté de recrutement. La difficulté de recrutement est déjà présente. Les écoles d'aides-soignantes peinent à recruter. Et sur ces terrains, de toute façon, l'ambivalence entre gestion des situations de chômage et besoin exponentiel d'aide à domicile a pour l'instant bloqué la réflexion sur ces thèmes. Et c'est Bernard Ennuyer qui a bien montré ça. Mais reconnaissons à Édouard Philippe d'avoir reculé en septembre dernier, quand il a été question, il y pensait lui-même, de supprimer l'exonération fiscale dont disposaient les familles qui embauchaient des aides à domicile. Votre bibliographie et beaucoup de références sur le même sujet du care et de l'aide à domicile sur notre site, Juliette Goût à la réalisation, la préparation, Nathan Gallo, Frédéric Martin, Franck Livard, Tiffany Battistel à la technique. Et chez vous, Fabrice Rouel, je ne vous réveille pas. Oui, j'avais la tête dans les étoiles, j'étais en train de rêvasser parce que nous faisons Star Wars, l'histoire de ce film, de cette trilogie. C'est une triple trilogie dont le dernier volet, qui ressemble au premier d'ailleurs, va sortir mercredi. On va mettre du trident dans tout ça. En tout cas, ça a été un moment important de l'histoire du cinéma contemporain, ce Star Wars.